2010, listen this, yeah. Phenomenal vibes, yeah. Phenomenal vibes, phenomenal vibes, yeah. C'est 2010, c'est le retour des refs, refs, refs, refs, refs. Hey, vas-y, laisse-nous passer sur la piste, mon gars, vas-y, casse-toi. Listen this dans tes glasses, le MP3, tu le cliques, c'est direct, mon gars. Vas-y, 220 décibels dans le MP3. Et ouais, c'est ça mon style, mon gars. Tu reconnais pas ou quoi? Ouais, gros, tu reconnais pas, vas-y, laisse-nous passer. Tu fais phénoménal. Samedi night, ça part en boîte. Push him up, fais péter les watts. Fais des bisous, lady. Check tes potos, carré VIP. Ah, siphonne ton Red Bull vodka. Fais des courriers avec tes gars. Pas là pour faire du dégât, là pour passer bonne résoir. Sors-moi une face B, j'tape un freestyle. Tu vas rester bouche bée, car ce soir j'ouvre le bal. Bouge tes seins dans tous les sens, faut que tu t'excites sur la piste de danse. Bouge tes fesses comme une déesse, faut que ça claque sur ta fesse. Faut que tu danses sans aucun complexe. Put your hands up in the air, put your hands up everywhere. Move your body, move your body, move your body, everybody. Put your hands up in the air, put your hands up everywhere. Move your body, everybody. Keep it fixy, it's it bound. GB style, fix it brown. GB style, fix it brown. Vas-y jump if you break, yeah. Tell me this, listen this. GB fix it, it's it brown. GB style, fix it brown. GB style, fix it brown. Put your hands up in the air, put your hands up everywhere. Move your body, move your body, move your body, everybody. Put your hands up in the air, put your hands up everywhere. Move your body, GB fix it, it's it brown. Put your hands up in the air, put your hands up everywhere. Move your body, move your body, move your body, everybody. Put your hands up in the air, put your hands up everywhere. Move your body, move your body, move your body, everybody. Move your body, everybody. GB fix it, it's it brown. GB style, fix it brown. GB style, fix it brown. Yeah. Ça vitesse dans les halls, ça vitesse dans les halls.